Troisième temps d'une histoire du climat dans la fabrique de l'histoire au lendemain du sommet de l'ONU sur le climat et alors que continue le procès chargé de définir les responsabilités dans la catastrophe issue de la tempête Xynthia. Avant demain de nous demander si à la mondialisation des débats sur le climat correspond une mondialisation de l'histoire du climat avec Jean-François Mouhot et Fabien Locher, nous allons ce matin dans notre émission d'archives du mercredi tenter de comprendre pourquoi les historiens du climat peuvent devenir parfois des experts de catastrophes climatiques. À partir de textes qui seront lus par Daniel Königsberg et d'archives INA, nous allons ce matin, nous avons le plaisir de recevoir avec Perrine Kervan deux spécialistes d'histoire du climat à l'époque moderne qui ont eu d'ailleurs beaucoup de mal à expliquer aux élus et aux représentants de l'administration, pourquoi la tempête Xynthia n'était pas unique comme il le disait et comme les médias le répercutaient à l'époque. Ces deux historiens sont Thierry Sozo, il est professeur d'histoire moderne à Poitiers. Il a coordonné il y a 6 mois avec Jacques Perret des étudiants du master d'histoire à Poitiers, Xynthia ou la mémoire retrouvée, publié chez Gest. Et Frédéric Surville est avec nous. Il est médecin et historien de la météorologie au XVIIIe siècle. Il a organisé un groupe, il nous expliquera ce qu'était ce groupe qui s'appelait Submersion. Le déluge montait rapidement la montagne. Il fondait sur les hommes comme une armée. Le frère ne voyait plus son frère. Du ciel, on n'apercevait plus les hommes. Les dieux mêmes eurent peur du déluge. Ils s'enfuirent et montèrent au ciel d'Anu. Les dieux, comme des chiens aboyés couchés sur le mur du ciel. Ishtar se plaignait comme une femme en travail. La reine des dieux criait tout haut. Cette génération retourne à la boue parce que j'ai conseillé le mal en présence des dieux et que j'ai ordonné le combat pour détruire ma postérité. Durant 6 jours et 6 nuits, la tempête continua. Le déluge et l'ouragan firent leur ravage. Quand arriva le 7e jour, le déluge et l'ouragan cessèrent le combat qu'ils avaient livré pareil à une armée. La mer se calma, l'ouragan fut comprimé, le déluge cessa. Je regardais la mer en poussant des cris. Toute l'humanité était retournée en boue. Le champ se confondait avec la forêt. J'ouvris la lucarne et la lumière frappa mon visage. Je me retirai, je m'assis, je pleurai. Mes larmes coulaient sur mes joues. Je regardais la contrée. On ne voyait que la vaste mer. Une terre seulement émergeait de 12 coudées. Le vaisseau toucha au pays de Nicyre. La montagne du pays de Nicyre retint le vaisseau et l'empêcha de flotter. Un jour, 2 jours, la montagne de Nicyre retint le vaisseau. 3 jours, 4 jours, la montagne de Nicyre retint. 5 jours, 6 jours, la montagne de Nicyre retint. Quand arriva le 7e jour, je fis sortir une colombe et la laissai aller. La colombe allait et venait. Comme elle n'avait pas d'endroit où se poser, elle revint. Je fis sortir une hirondelle et la laissai aller. L'hirondelle allait et venait. Comme elle n'avait pas d'endroit où se poser, elle revint. Je fis sortir un corbeau et le laissai aller. Le corbeau s'en alla, et voyant la baisse des eaux s'approcha, se mit à manger, à croasser, et ne revint pas. Un extrait de l'épopée de Gilgamesh, traduite en 1892 par Alfred Loisy et lu aujourd'hui par Daniel Königsberg. Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Et bonjour à vous Thierry Sozo. Est-ce qu'il est besoin de revenir au déluge pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui? On a toujours besoin de revenir au déluge pour parler des événements extrêmes météorologiques d'aujourd'hui et singulièrement des submersions marines parce que en fait, elle renvoie cette histoire du déluge à l'insignifiance de l'homme face à la nature. Et elle renvoie aussi à une époque, en tout cas, où on était en manque d'explications. Et à l'heure actuelle, je dirais que Parfois, y compris dans nos sociétés hyper médiatisées, les explications ont du mal à parvenir à toutes les oreilles. Donc effectivement, cette histoire du déluge, elle prend tout son sens lorsque on veut donner des explications et qu'on dit aux gens, on va quand même pas en revenir finalement à cette époque originelle. Alors, il faut remercier notre réalisateur Renaud Dalmar qui nous a signalé que vous aviez témoigné il y a 15 jours de cela au tribunal donc, qui doit statuer sur les responsabilités de la catastrophe Xynthia. Il m'a dit, mais non, un historien du climat, un historien qui va à la barre des experts pour pouvoir expliquer pourquoi une catastrophe comme celle-ci aurait pu être différente si on avait justement regardé les archives, ça vaut le coup de l'inviter, m'a-t-il dit. C'est intéressant, effectivement, c'est nouveau qu'un historien soit plongé dans un débat judiciaire et qu'il vienne à la barre comme expert, justement, Thierry Sauzeau. En réalité, donc, l'historien a été convoqué effectivement à la barre des témoins hein, en qualité d'expert, mais l'essentiel qui a conduit finalement à cette déposition, c'est la mise en connexion du travail d'historien et puis du recueil de la mémoire des habitants que j'ai qualifié moi d'enracinés et qui finalement sont souvent des vieilles personnes ou des gens qui sont issus d'une famille ou d'un lignage n'ayant jamais beaucoup bougé autour de ces villages submergés par la tempête Xynthia. Périne Cameron. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans votre travail, vous en êtes venu à la conclusion que tout ce que les médias répétaient, relayaient, c'est-à-dire que cette tempête Xynthia était quelque chose d'unique et d'inédit, reposait finalement sur une oblitération de la mémoire, d'une mémoire collective qui était finalement assez proche. Et en cherchant un peu, on voyait que pas très loin de nous, il y avait exactement la même chose. Oui, c'est-à-dire que cette question de mémoire et d'oubli surtout hein, qu'il a fallu dépasser, je crois qu'elle s'appuie sur deux choses. Première chose qui relève vraiment du travail d'historien, c'est-à-dire de périodiser et de d'établir la chronologie précise des événements de submersion vécus sur un littoral. Vous êtes spécialiste d'histoire moderne et vous remontez jusqu'au XVIe siècle en l'occurrence. Oui, principalement jusqu'au XVIe siècle, mais c'est vrai que j'envisage de remonter jusqu'à la période médiévale en m'appuyant sur des travaux de collègues, notamment d'Université de Poitiers ou de Nantes ou de La Rochelle. Donc là, c'est un premier travail qui est réalisé. Et une fois qu'on l'a réalisé, ce travail-là, on se rend compte que le moment clé, finalement, c'est le moment d'accalmie vécu depuis la fin des années 50 et jusqu'au début des années 2000. Un moment au cours desquels il ne se passe rien sur le front des submersions, en tout cas rien de majeur. Voilà. Et donc, cette période d'une soixantaine d'années permet presque d'oublier qu'auparavant, 10 ans encore avant ces années 50, eh bien, il y avait des submersions importantes et que les populations les plus âgées de ces territoires s'en souvenaient encore et se souvenaient d'avoir fui justement devant la submersion. Les populations qui ont vécu la submersion de 1957 n'ont jamais fui devant la submersion. C'est justement un des problèmes clés de l'affaire, c'est que la submersion qui a touché les mêmes zones qu'en 2010, puisqu'on en a des archives précises en étant 57, c'était pas le Moyen-Âge ou la préhistoire, et ces zones-là étaient vides en 57, vides de toute construction, vides de toute infrastructure, vides de toute zone artisanale ou industrielle. Et donc ça n'a noyé que des moutons. Ça n'a noyé que des moutons, au pire, et finalement très peu de choses dont on pourrait se souvenir. Périne Quimbran. Et puis sans compter que cette tempête Xynthia finalement cadrait aussi avec un discours sur la question du réchauffement, qu'il ne faut absolument pas relativiser bien sûr, qui est une réalité, mais néanmoins qui allait aussi dans le sens de cet oubli de ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire que c'était la nouveauté parce que c'était une conséquence du réchauffement. Alors ça, c'est vrai que c'est une mise en connexion évidente par les médias aujourd'hui et puis même les décideurs. On est en présence des conséquences des réchauffements climatiques, une augmentation du niveau des océans, une augmentation peut-être connectée ou corrélée de la fréquence de tels événements tempétueux. Donc ça, c'est une chose qu'on a assez facilement finalement relié à la submersion de Xynthia, alors qu'en réalité, des submersions, il y en a eu très nombreuses dans des périodes où on ignorait le réchauffement, voire même pendant le petit âge glaciaire, où là, la question du réchauffement ne se posait pas. Alors, Frédéric Surville, vous êtes avec nous et nous remercions les techniciens de Radio France de vous accueillir dans leurs locaux à La Rochelle. Vous êtes médecin et vous avez écrit avec Emmanuel Garnier, dont on a beaucoup parlé et qui malheureusement ne peut pas être avec nous cette semaine. Vous avez écrit il y a quelques années, donc un livre sur le climat et l'histoire, à partir en particulier des relevés météorologiques d'un météorologue rochelais du XVIIIe siècle. Et vous, ça vous a mis en colère à l'époque d'entendre, ça vous a un peu excité d'entendre les hommes politiques, d'entendre les médias, d'entendre tous les gens répéter la tempête Xynthia, c'est le résultat du réchauffement climatique. Et il n'y a jamais eu de tempête semblable, alors que vous-même, en 1788, dans vos archives, vous aviez trouvé une tempête qui ressemblait en tout point à Xynthia, justement, Frédéric Surville. Bonjour. Oui, tout à fait. Donc, en 1788, Jacob Lamberts, qui est un négociant rochelais, qui tient un journal météorologique, au jour le jour, décrit une tempête de submersion en tout point comparable à celle que l'on a eue à Xynthia. Quand je dis en tout point comparable, c'est parce que on a la chance, du fait que ce soit un des premiers météorologistes du 18e, qui a un réseau qui se met à ce moment-là en place, d'avoir des données instrumentales, c'est-à-dire des relevés de thermomètres, de baromètres, de direction, on a la direction du vent. Donc on a toute une série de critères, de paramètres qui permettent de quantifier les données instrumentales de vent, de pression, etc. Et donc, non seulement on voit la chute du baromètre, comme on l'a avec Xynthia, on a une direction du vent en tout point similaire et on a des zones sinistrées qui sont superposables à celles que l'on a eues avec Xynthia. Donc lorsque on entend avec Xynthia le discours « c'est inédit, c'est du jamais vu, on ne pouvait pas prévoir », etc., on est un peu... Moi, personnellement, je suis un peu interloqué. Et puis, deux ou trois jours après, on a un historien de Charon qui est interviewé par Sud-Ouest, qui dit, mais il y a eu... Charon, c'était un petit village, justement. Un petit village qui était sinistré au nord de la baie de l'Aiguillon, au sud de la baie de l'Aiguillon, pardon. Et qui dit, mais il y a eu 35, il y a eu 41, il y a eu 44, il y a eu 24. Oui, c'est vrai. Donc, j'étais le voir. Et puis, comme on avait pour Climat Révolution organisé une équipe de scientifiques pour publier ce journal et l'analyser thème par thème, on a réuni les mêmes équipes élargies à l'Université de La Rochelle, l'équipe du Liens et puis Thierry Sozo. Et donc, on s'est proposé de faire un inventaire historique des submersions à partir des données que l'on avait. Et il suffisait de regarder la presse. Je veux dire que Thierry parlait tout à l'heure de 57. En 57, sur la zone de la baie d'Aiguillon, on est tombé sur des événements bien plus importants que ce que l'on a eu. Et donc, ça donnera lieu d'ailleurs à un livre publié aux éditions du Croix-Vif qui s'appelle Xynthia face à l'histoire, c'est ça, la tempête Xynthia face à l'histoire. Tout à fait, oui. Perrine Cavran. Oui, puis ce qui est assez paradoxal aussi et étonnant, c'est que finalement, à La Rochelle, il y a eu une des premières, on pourrait dire, écoles de météorologie au 18e qui s'est mise en place très tôt. Donc, on a effectivement énormément de données pour appuyer justement cette longue histoire des submersions dans la région. Frédéric Surville. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu un concours de circonstances parce que on s'était intéressé avec Emmanuel Garnier à Lamberts et son journal, donc qui est une série continue de 1784 à 1801, des relevés instrumentaux et avec une analyse critique de la vie de la société à l'époque. Et on s'est rendu compte que dans les archives, il y avait également d'autres documents avec ces mêmes relevés quotidiens. Il y avait des relevés d'un certain Seignette, qui était l'ancien maire de La Rochelle et président du présidial, et qui faisait ces relevés pour le compte de la Société de météorologie palatine, donc un réseau très important européen, qui collectait au niveau des différentes villes européennes ce type de relevés sur une méthode standardisée. Et puis, on avait également les relevés de Maran faites par un certain Pinet pour la Société royale de médecine. Donc, à partir des années 1780, la météorologie, grâce à des instruments qui commencent à être performants, prend un certain essor. Et il y a une collecte de documents à travers toute la France et même toute l'Europe. Et ces documents ont été peu exploités jusqu'à présent. Mmh. Et c'est vrai que c'est un challenge auquel on s'est attelé avec Emmanuel Garnier. Et j'ai Michel Lévesque, qui est un de mes patients, et qui a relevé toutes ces données. Ça fait 200 000 chiffres. Et on va donner ça à Météo France et au Liens. Et c'est des choses assez intéressantes. Oui, c'est formidable. C'est ce que nous racontait lundi Emmanuel Laura-Ladurie. C'est la collecte de ces données. C'est une façon, justement, d'établir des moyennes, d'établir sur une très longue durée, puisque Emmanuel Laura-Ladurie nous disait, à partir de 1648 environ, on a quelque chose d'assez précis, Thierry Sozo. Oui, alors c'est vrai que ces séries statistiques de données instrumentales sont fondamentales pour comprendre à la fois l'évolution du climat, donc ça c'est vraiment ce que faisait le roi Ladurie, ce qu'il a fait depuis des années, mais à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir documenter les événements extrêmes. Eh oui. Donc par exemple, sur le territoire qui nous est commun, le territoire d'études qui nous est commun à Frédéric Surville et à moi et à Emmanuel Garnier, par certains aspects, on a pu établir, grâce à ces données du XVIIIe siècle, grâce aussi à des mesures instrumentales réalisées par la marine de guerre qui s'implante à Rochefort en 1660 et qui va elle aussi collecter des informations météo, on comprend pourquoi, et notamment de façon continue tout au long du 19e siècle, on a des registres éphémérides tout à fait passionnants qui permettent de compléter... ces séries du XVIIIe siècle. Et on peut établir, par exemple, des sortes de lois, on pourrait dire statistiques. Par exemple, une submersion en Charente-Maritime ou en Vendée, ça survient toujours par un vent de sud-sud-ouest, une tempête de sud-sud-ouest, par exemple. Ça, c'est quelque chose de... Ça se vérifie pour l'épisode étudié par Frédéric Surville. En et pour tous les épisodes postérieurs, et pour 19e, 20e siècle, c'est la même chose. Et pour Cynthia, bien sûr, c'est la même Cynthia. Chose aussi. Et alors qu'aujourd'hui, eh bien, tous les habitants qui sont du côté de Montpellier sont en train de tenter de nettoyer leur maison et donc de survivre à cette inondation d'il y a deux jours, eh bien, on peut remonter à une autre époque. C'était à Paris, c'était en 1579. Et un ouvrage avait été publié à ce moment-là, immédiatement après les événements. Et cet ouvrage qu'on retrouve sur le Gallica, le formidable site de la Bibliothèque nationale de France, s'appelle « Déluge et inondation d'eau forte effroyable, advenue au Faubourg Saint-Marcel à Paris ». Daniel Königsberg. Mercredi dernier, 8e de ce présent mois d'avril, 1579, entre 11 et 12 heures de la nuit, l'eau d'une petite rivière, laquelle prend son cours au Faubourg Saint-Marcel à Paris, se déborda si outrageusement à cause des pluies tombées par deux jours entiers sans cesser, que de mémoire d'homme ne s'est vue en ce lieu eau plus violente et dommageable que celle-là. Et parce que cette petite rivière passe par une infinité de canaux fort étroits, sous les maisons de plusieurs particuliers, lesquels, pour lors, ne lui purent donner assez de liberté pour s'écouler et évanouir, étant surpris, elle rompit plusieurs bâtiments de maisons, murailles et autres édifices faisant obstacle à son cours. Ce ravage a fait tomber plus de 60 maisons, dessous lesquelles ont été accablés plusieurs corps péris et blessés, et il ne faut pas douter qu'il s'en trouve encore lorsque l'eau sera retirée davantage. Voilà pour cette lecture de ce texte de 1579, d'une inondation au Faubourg Saint-Marcel à Paris, texte publié donc et qu'on peut trouver sur le site Gallica de la Bibliothèque de France et lu par Daniel Königsberg. Thierry Sozo, voilà aussi pour ces moments extrêmes sur lesquels vous travaillez, la possibilité de trouver d'autres sources, pas simplement les sources météorologiques à partir du moment où la météorologie se met en place, mais les journaux, les écrits du fort intérieur qui... renseigne énormément sur ces questions-là, parce que si on note quelque chose dans ces périodes de l'époque moderne, ce sont les catastrophes climatiques. Alors, il est exact que ces écrits du fort privé, ces journaux, ces livres de raison, ils sont d'une importance capitale parce que les gens vont y noter, ce sont des gens instruits d'abord qui les tiennent, et puis parfois, et assez souvent aussi, des gens qui sont propriétaires d'un certain nombre de biens, donc ils vont à la fois noter des événements extrêmes, mais surtout des événements extrêmes qui vont toucher du patrimoine oui. ou bien entraîner des décès. Le texte que vous venez de lire, que je ne connaissais pas du tout, je ne suis pas du tout spécialiste de Paris, mais il me semble édifiant parce qu'on parle d'un faubourg. Donc chacun sait que dans la géographie urbaine, un faubourg, c'est à coup sûr un quartier récent au XVIe siècle, de la fin du Moyen-Âge. Et puis il parle de rivières qui étaient déjà là avant, mais qui ont été canalisées, qui ont été busées. Ça veut dire qu'on a enfermé en fait le cours de cette rivière-là. Et le jour où elle a besoin de déborder, elle déborde. Donc si vous faisiez le parallèle avec... Exploser les planchers comme elle fait exploser la route. Ce qui s'est passé hier à Montpellier relève de la même, exactement du même mécanisme. Ça signifie donc que quand on a des documents anciens, qu'ils soient de nature littéraire ou bien cartographique, on peut établir à coup sûr les zones qui étaient autrefois sensibles et qui sont devenues des zones vulnérables parce qu'on y a implanté des enjeux, c'est-à-dire des vies humaines, des richesses, des ateliers, des entreprises, des réseaux, etc. Périne Cavran. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et ça on le voit bien dans les livres que vous avez écrits sur ces questions, c'est finalement qu'au XVIIe, XVIIIe, la monarchie met en place souvent des envoyés dès qu'il y a une tempête, pour aller voir de quoi il en retourne, pour faire des rapports. Et puis, il y a tout un système de réseau avec des hutiers qui surveillent dans les marais, avec des piqueurs de digues qui viennent surveiller, avec un système de tocsins pour passer l'information. Donc il y a aussi tout un réseau de vigilance qui est mis en place et qui est totalement au point. Alors ça renvoie peut-être à la conception traditionnelle de la vie sur les territoires versus ce que l'on a mis en place ces 20 ou 30 dernières années où on a fait confiance à la technologie, à la télésurveillance, à tout un ensemble de choses qui sont évidemment pourvoyeuses à la fois de sentiments de sécurité, mais qui finalement nous projettent dans des éléments de vulnérabilité nouveaux parce qu'on a abandonné les pratiques anciennes. Le littoral, c'est par exemple, si on parle du littoral, c'est un territoire qui est mobile par nature, les géographes le savent bien, les géomorphologues le disent, c'est surtout vrai sur les côtes basses sédimentaires comme celles du centre-ouest français qui sont très peuplées historiquement et où justement cette population ne sait pouvoir se maintenir sur ce littoral-là que au prix d'une surveillance de tous les instants. Donc, vous évoquiez à partir du XVIIe siècle la présence des envoyés du roi. Ils viennent structurer cette surveillance, mais j'ai envie de vous dire que les habitants n'ont pas attendu que le roi leur envoie des missi dominici à la sauce moderne pour mettre en place cette surveillance-là. Et donc, il y a une forte densité de population et des gens qui sont sur le littoral pour tout un ensemble de raisons et qui, évidemment, constitue un réseau de vigilance en cas d'événements extrêmes. Frédéric Surville, ça c'est important que de dire effectivement que ces populations connaissent leur territoire, savent là où il est vulnérable, là où on peut s'installer sans trop de risques, sauf une catastrophe exceptionnelle qui dépasserait toutes les catastrophes qu'on a connues auparavant. Tout à fait. Et l'exemple de Xintia le montre bien. Je veux dire que la zone de la faute n'était pas urbanisée. Alors ça, j'ai découvert ça en vous lisant. Effectivement, la zone de la faute n'est pas urbanisée au 18e. Elle commence à l'être un peu dans les années 1820. Donc c'est-à-dire que la faute sur mer est une création toute récente. Ça a un siècle et demi, à peine deux siècles. La commune même date des années 50, puisque elle a été séparée de la tranche, je crois, en 52 ou 57. Et donc, en 1794, Thierry le rappelle, lors du procès de Xintia, il y avait une famille qui habitait, qui était propriétaire de cette langue de terre. Bon, ça c'est le premier paramètre. Ensuite, il y a une urbanisation qui s'est faite progressivement, un petit village, et puis avec les congés payés, l'héliotropisme, c'est des territoires qui sont progressivement lotis, effectivement, sans mémoire du passé, et surtout à très grande proximité du littoral et de la mer. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on voit quand on vous lit tous, aussi bien vous, Frédéric Surville, que les travaux de Thierry Sozo, et vous avez travaillé ensemble, évidemment, c'est de voir que, progressivement, dans les années 80 et puis 90, on gagne progressivement des territoires qui sont à 70% des territoires inondables. Et on les transforme en territoires de lotissement. C'est-à-dire qu'auparavant, on a essayé de lotir tout ce qui n'était pas inondable du tout. Et puis progressivement, on s'est dit, bon, on va en lotir un tout petit peu qui est inondable. Puis maintenant, on en arrive, dans les dernières années avant Xintia, à 70% de ces nouveaux lotissements, entre 2000 et 2010, sont des lotissements qui sont faits en zone inondable. C'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus de la mer pour avoir les résidences, les pieds dans l'eau, sauf que la mer parfois monte de manière importante et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc l'être humain quelque part est fautif parce qu'il est demandeur de cette proximité de la plage et du littoral, mais il en oublie les risques. Je prends l'exemple de Charon que je citais tout à l'heure, ou d'Andilly, de Marcilly, ces communes qui sont au nord de La Rochelle. Les villages anciens sont très en retrait du littoral. Ils sont à 2-3 kilomètres. Et progressivement, l'urbanisme, puisque c'est devenu des résidences de deuxième couronne de La Rochelle, se sont rapprochés de la mer. C'était plus sympa et tout. Mais parfois, avec des risques catastrophiques. Accrus. Périne Cavran. Oui, puis vous montrez bien aussi que c'est lié à la fois effectivement aux besoins, à l'héliotropisme, aux stations balnéaires, à l'envie d'être les pieds dans l'eau, mais que c'est le fait finalement de personnes qui ne sont pas enracinées dans la région, donc qui ne savent pas, qui ne connaissent pas bien cette histoire et puis qui s'en préoccupent peu. Et puis il y a aussi cet élément qui est intéressant dans vos travaux, c'est la question de la peur. C'est-à-dire que pendant longtemps, il fallait vivre avec la peur, elle était intégrée et c'était un sentiment naturel. Et finalement, à force de vouloir se débarrasser de cette peur, de se sécuriser, on a perdu une relation au rivage qui était finalement plus saine. Thierry Sozo. Vous mettez en évidence la thématique de ce chassé-croisé d'une population déclinante numériquement parlant, qui est celle de ceux qui savent. Le danger, donc qui vivent avec la peur, qui l'ont domestiqué, ou en tout cas dont les familles l'ont domestiqué de longtemps, et puis de ceux qui arrivent et à qui on vend du rêve. Hein. Et je crois que la connexion avec la chronologie des événements extrêmes de submersion, elle est intéressante parce que les gens qui ont vécu 57, par exemple, massivement, ne sont pas ceux qui ont vu les bâtiments se bâtir dans les années 80 ou 90 dans les zones les plus creuses et les plus basses. Vous dites qu'il n'y a pas de maisons qui ont été touchées quand elle a été construite avant 1960. Aucune des maisons n'y a eu de mort dans aucune de ces maisons. Ça, c'est effectivement un diagnostic qui a été fait par des géographes du risque de l'Université de Montpellier, Freddy Vinet. Aucun décès à la Faute-sur-Mer dans des maisons construites avant 1960. Oui, donc on voit bien qu'il y a là la question de l'espace, du territoire et de comment on l'occupe. C'était une question qui était déjà débattue lors d'un autre événement climatique extrême. C'était les inondations de Nîmes en 1988. On écoute un reportage de France Inter de Laurence Simon avec le préfet du Gard de l'époque. Nîmes sous le déluge. En l'espace de quelques minutes, des milliers d'arbres ont été arrachés, des voitures emportées, des maisons inondées. Des témoins ont aussi raconté qu'une vague de 2 mètres de haut avait soudain balayé l'autoroute. Ce matin, les sauveteurs ont repris les recherches. Le dernier bilan fait état de 7 morts. Les dégâts sont considérables. Le préfet du Gard, Louis Dufaigneux, surveille les opérations de sauvetage. 17 hélicoptères survolent en permanence Nîmes et la région proche. Laurent Simon lui a demandé comment se déroulaient ces opérations. Je vous l'ai dit, c'est la zone rurale et je voulais quand même m'assurer qu'il n'y avait pas de choses dramatiques de ce côté-là. Je crois que c'est là, effectivement, que nous devons ce matin faire porter l'effort de sauvetage, proprement dit, et surtout l'effort des hélicoptères, car des quantités de petits villages et surtout de lotissements neufs, il faut le dire, car c'est assez net dans cette campagne, les villages anciens sont protégés et... Malheureusement, la plupart des lotissements neufs sont sous l'eau. Et on doit en tirer quelques conclusions sur le plan de l'urbanisme. Par exemple ? Eh bien, par exemple, qu'il faut faire encore beaucoup plus attention à tous ces problèmes dits de terrains inondables qui, trop souvent, sont utilisés pour faire des lotissements, pour y installer des maisons. C'est-à-dire que ça remet un petit peu en cause le plan immobilier ou les investissements immobiliers ? Cela remet en cause ce qui a été fait, oui, et on essaiera de ne plus le faire. On essaiera de ne plus le faire, c'était à Nîmes en 1988. Et on voit bien que chacune de ces catastrophes donne l'occasion aux autorités, Frédéric Surville, de dire on va faire attention, on va pas faire la même chose. Et au bout du compte, quelquefois, eh bien, on continue parce que la pression foncière, la pression immobilière sont là pour justement contrer les précautions à prendre. Tout à fait. Alors, vous parliez de Nîmes tout à l'heure. Je voudrais rappeler que ces orages cévenols, dont on vient d'avoir une illustration malheureuse avec ce qui s'est passé dans l'Hérault et à Montpellier en particulier, ont des précédents. C'est quelque chose de récurrent. On a eu Vaison-la-Romaine en 92, Cuxac-de-l'Aude en 99, Draguignan en 2000. Donc chaque fois, ce sont des précipitations très intenses sur un laps de temps très court et qui entraînent des ravages considérables. Parfois avec des morts, je rappelle quand même 41 morts à Vaison-la-Romaine, ce qui n'est pas rien, 23 à Cuxac-de-l'Aude. Et à chaque fois, effectivement, ce sont des terrains qui sont récemment lotis, qui sont concernés. Dans le cas de Vaison-la-Romaine, si vous vous souvenez, c'était le camping, il y avait un supermarché. Mmh. Donc c'est des zones qui ont été construites au ras de la rivière. Mmh. On oublie que le lit de la rivière peut évoluer en fonction des précipitations. Et puisque vous évoquez Vaison-la-Romaine, écoutons cette archive de 1992 de Vaison-la-Romaine, justement. Les hélicoptères sont venus nous récupérer, on était sur le toit. L'eau est montée tout doucement au départ. Et puis tout d'un coup, le temps que j'enlève au rez-de-chaussée de mon bureau les prises de mes ordinateurs, j'avais déjà de l'eau jusqu'à la taille. Et bon, bah, après on a compris, on a tout lâché, on a tout laissé, et puis on a tout perdu, quoi, parce qu'on n'a plus rien, c'est lessivé, il reste 4 poteaux, et enfin on est là, il fait beau, on est en bonne santé. Il y a eu pas mal d'actes assez fantastique, des essais aussi, et puis des gens qu'on n'a pas pu sauver, quoi. C'est des gens qui étaient sur le toit et qui criaient sauvez-nous, sauvez-nous, et puis ils sont partis, on n'a rien pu faire. Quand vous voyez des mômes qui sont emportés par le courant, ou moi j'ai vu des voitures avec des gens dedans, c'est complètement Après, bon, je me réveille le matin, j'ai plus rien, mais je suis en vie. Je veux dire, le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Une archive de 1992 de France Inter, un habitant de Vaison-la-Romaine au moment où il y a 19 morts dans les inondations. Donc c'était en septembre 1992, épisode Cévenol, là comme on dit généralement en météorologie. Thierry Sauzeau, sur tout compte fait, ces figures que l'on a l'impression de voir revenir tous les ans. Désormais on voit un endroit ou un autre du territoire, ces reporters qui vont interroger les survivants, qui racontent la même chose, les voitures emportées par le courant, etc., etc. Il y a une temporalité différente des événements qu'on est en train d'évoquer autour de cette table. Comme le rappelait Frédéric Surville, c'est vrai que les orages Cévenol, c'est quasiment finalement annuel. Mm-hmm. Hein, c'est un problème de masse d'air méditerranéenne et puis de masse d'air tempérée. Et au changement de saison, on a ce type d'épisode. Donc, par contre, si on s'intéresse à une inondation d'un bassin versant type la Loire ou la Seine, ou même de fleuves plus courts en Bretagne ou la Charente, par exemple, qui nous est plus chère à Frédéric et à moi. Bon, les inondations sont déjà moins fréquentes. Puis si on s'intéresse aux submersions marines, alors là, elles le sont encore moins, même s'il y a des périodes de haute fréquence. Donc c'est vrai que la mémoire n'est pas mise en jeu, voilà, de la même façon pour chacun de ces événements. En revanche, il y a quelque chose qui est fondamental dans les différents témoignages, c'est que l'implantation des zones bâties, finalement, l'implantation traditionnelle, privilégiait systématiquement la mise hors d'eau du torrent méditerranéen, du fleuve de la France de l'Ouest ou de la zone submersible de l'océan Atlantique. Ce qui n'est ça, plus c'est le cas quelque depuis... chose de fondamentalement exact. Et ce qui n'est plus le cas depuis Et quelques dizaines d'années. Ce qui n'est plus le cas depuis quelques dizaines d'années, effectivement. Périne Quimbon. Et justement, si on revient sur cette question de la mémoire longue, il y a aussi cette question des tsunamis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des termes qui sont réservés à l'océan Pacifique, que ça ne nous concerne aucunement. Et dans votre livre, on apprend que le tsunami, finalement, c'est pas du tout aussi inenvisageable que ce que l'on peut imaginer. Alors, le tsunami, comme vous l'évoquez, donc c'est effectivement une submersion liée à une onde sismique qui dépend d'un séisme survenu au large de l'Atlantique, si on parle du golfe de Gascogne. Donc effectivement, on en a quelques exemples. Ils correspondent à... trait pour trait à un phénomène de surcote tel qu'on pourrait l'envisager au moment d'une tempête. Donc, de tsunamis sur la côte d'Azur à la fin du 19e et au début du 20e, je crois, quelque chose comme ça. Et puis sur la côte atlantique, vous en avez comptabilisé. Donc un fin 18e, et je parle sous contrôle de Frédéric Surville. Il me semble qu'il y en a un au 20e siècle aussi. Frédéric Surville. Oui. Alors, c'est vrai que les tsunamis touchent plus le Pacifique et l'océan Indien. Hein. Donc, on se souvient de Noël, je crois que c'est 2010, mm-hmm. qui avait fait des centaines de morts. Sur le littoral atlantique, le plus important qu'on ait eu de mémoire d'homme, ça a été Lisbonne. Mmh. Hein, je veux dire que la ville de Lisbonne a souffert à la fois du tremblement de terre et d'un tsunami derrière, et l'économie du pays s'en est ressentie fortement. On a effectivement, alors c'est Lamberts qui nous signale un tsunami. Lamberts, c'est votre météorologue voilà. du XVIIIe siècle. Voilà. Hein. Donc, vous en parlez comme de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est normal. Très bien. Il faut le dire à nos auditeurs. Donc, en 1785, il décrit un phénomène qui se rattache plus à un tsunami. En tout cas, les conditions atmosphériques sont tout à fait normales. Les conditions de marée n'ont rien d'exceptionnel. Et on a une vague qui monte à 2 mètres dans le port et qui abîme les bateaux et qui submerge les quais. Donc, on en a deux petits à la fin du 19e. Et puis, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre d'Oléron dans les années 70, on a une vaguelette, mais ce n'est pas quelque chose de trop important. Mmh. Par contre, effectivement, la Méditerranée est soumise à des tremblements de terre, notamment du côté de Nice. De Nice et puis de l'Italie. Et vraisemblablement, un des plus importants tsunamis qu'on a eu dans le passé, c'est Santorin. On pense que la vague qui a été générée par l'explosion de Santorin est équivalente à celle du Krakatoa, avec une vague de 30 ou 40 mètres. Donc s'il était arrivé à l'époque sur nos ancêtres les Gaulois, on peut considérer qu'ils ont eu très très peur, oui. Effectivement. Alors, effectivement, pardon, je m'excuse, et le risque que l'on a, c'est il y a une zone sismique qui est au large de l'Algérie, et on pourrait avoir sur la côte d'Azur des vagues assez conséquentes. Alors, il est 9h41 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin avec Perrine Cavran aujourd'hui. Et donc, nous recevons, avec Daniel Königsberg, qui nous lit les textes, nous recevons dans cette émission d'archives Thierry Sozo et Frédéric Surville pour parler du rôle des historiens dans les catastrophes climatiques et du travail que les historiens peuvent donner à la collectivité, pourrait-on dire, pour mieux comprendre l'histoire de ce climat et de ces catastrophes. Ça veut dire qu'on est à l'inverse du postulat de Montesquieu qui disait que plus les sociétés sont évoluées, plus elles sont capables de se mettre à l'abri des conséquences justement des catastrophes naturelles, Thierry Sozo. C'est-à-dire que ce que vous nous démontrez, c'est qu'il y a une sorte de bon sens des sociétés du passé qui, justement, parce qu'elles ne remettent pas tout de leur destin dans les nouvelles technologies en particulier, eh bien, peuvent mieux comprendre ce qui peut leur arriver en cas de catastrophe naturelle. Je crois que Montesquieu était un homme des Lumières, donc face à un certain nombre de problèmes auxquels les sociétés humaines étaient confrontées, il était résolument optimiste. Il pensait que la raison permettrait de triompher de bien des obstacles. La réalité nous prouve que le problème du progrès technologique, par exemple, c'est qu'il nous pousse à abandonner les vieilles habitudes où il fait tomber en désuétude finalement les vieilles routines qui avaient permis de mettre à l'abri les sociétés anciennes par rapport justement à ces questions de risques naturels. Donc il faudrait revenir quelque peu sur nos pas, non pas abandonner la technologie, mais au contraire raviver finalement ce qui était utile aux sociétés traditionnelles. Et c'est bien dans ce contexte-là que l'historien travaille à l'heure actuelle. Alors dans les sociétés traditionnelles, il ne faut pas non plus les porter au pinacle. Il y avait aussi des croyances qui permettaient justement d'écarter, parce qu'on faisait appel au Seigneur, à Dieu, par exemple, les catastrophes à venir. Voilà ce que disait dans un poème de Riemayeur l'abbé Gonod, nouveau déluge de Saône-et-Loire en 1846. Daniel Königsberg. La Loire offre un spectacle effrayant et terrible, et tout empreint, hélas, d'un châtiment visible de la part de celui qui l'expose à nos yeux, de la part de celui qui gouverne les cieux. Tombés à ses genoux, habitants de la terre, et désarmer son bras, désarmer sa colère, pousser des longs soupirs et des gémissements, et déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Rachetez vos péchés par d'immenses aumônes, et volez au secours de 100 000 personnes qui portent dans leur sein le germe de la mort. Adoucissez, chrétiens, adoucissez leur sort. Voilà ce qu'écrivait l'abbé Gonod après une catastrophe, un déluge en Saône-et-Loire en 1846. Et le poème est bien plus long. Il en appelait, dans ce poème qu'on a retrouvé également sur Gallica, il en appelait au roi, il ne fallait pas que la République s'installe, puisque si elle s'installait, ça serait encore pire. Et donc c'était évidemment le roi qui allait sauver le royaume, le roi et le dieu en l'occurrence. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut connaître. C'est-à-dire quels sont les substituts que trouvent les sociétés traditionnelles pour pouvoir, disons, ne pas désespérer devant le renouvellement des catastrophes climatiques, Thierry Sozo. Là, avec ce document, on a presque une mise en théorie politique de ce que c'est que la réaction de la société traditionnelle face au ce que devrait être ou ce que doit être la réaction de la société traditionnelle. De façon extrêmement, bien plus triviale et bien plus terre-à-terre, je dirais, ou terre-à-mer, si on regarde ce qui se passe dans l'océan Indien, par exemple, dans des archipels qui, justement, ne connaissent pas une aussi grande capillarité avec le modernisme, on se rend bien compte que les sociétés traditionnelles de ce type-là sont plus en état de reculer face à la mer, d'esquiver finalement les dangers que la mer va leur opposer. Alors certes, on est autant dans l'événement extrême que dans la réaction face au changement climatique, mais on voit bien que les sociétés traditionnelles sont presque mieux armées que nos sociétés évoluées pour faire face à ces questions-là. Perrine Cavran. Oui, puis ça permet aussi d'évoquer le frottement qu'il y a eu au moment où justement s'installent les premiers raisonnements scientifiques ou se mettent en place les premières sociétés de météorologie. Justement, ce frottement entre finalement la question religieuse qui est censée tout tenir et puis c'est cette question scientifique qui apporte d'autres réponses. Frédéric Surville, justement, sur ces frottements entre esprit des Lumières et pensée traditionnelle. Alors tout à fait, parce que la météorologie voit le jour avec l'arrivée des instruments donc au XVIIe siècle, et à Florence se met en place entre 1757 et 1667 la première société, l'Accademia del Cimento, qui va recueillir ces données. Bon, le problème, c'est que on a des scientifiques qui se mêlent de choses qui, a priori, relèvent du religieux. Et les religieux, l'Église va faire pression sur l'archiduc Ferdinand pour qu'il arrête ces investigations et que l'Église conserve la mainmise sur ce qui se passe au niveau du ciel. Et donc cette société va disparaître. Et effectivement, l'Église a un gros pouvoir sur la population pour expliquer que tel ou tel événement est la conséquence du comportement des hommes. Mmh. Bon. Ça, c'est au 18e. Et lorsque sur un passé plus récent, lorsque surviennent ces événements, on a toujours besoin d'explications. Alors, outre celles qu'on a évoquées tout à l'heure, l'irrationnel entre aussi en jeu. Et j'en veux pour mémoire ce qui s'est passé lors des inondations de la Somme il y a quelques années. Vous vous souvenez Avec l'idée que ce serait la population parisienne, les Parisiens qui auraient débondé le trop-plein d'eau. Que la population parisienne qui présentait la candidature de Paris aux Jeux Olympiques avait détourné les eaux de la Seine sur la Somme de manière à ce que la ville soit présentable au moment où le comité d'organisation venait visiter la ville. Donc là, on est dans l'irrationnel total. Et c'est vrai que tous ces événements, on cherche des explications à quelque chose qui relève de l'extrême. Thierry Sozo. Oui, alors c'est vrai que quand on s'affronte à ce genre de réaction irrationnelle, on va en trouver même au moment de Xynthia. Hein. Même après Xynthia, quand on interroge des pêcheurs, par exemple, du littoral charentais, ils vous parlent de tsunami, ils ont pêché des espèces qui, normalement, n'ont rien à voir avec les fonds dans lesquels ils traînent leur chalut. Et donc, ils disent, il y a un truc pas normal, on nous cache quelque chose. Enfin, voilà. Ce sont des réflexes qui semblent assez naturels lorsque on est confronté à un événement dont on n'a pas l'explication rationnelle. Et il faut savoir que, par exemple, pour Xynthia, il a fallu attendre 2 ans avant que les scientifiques vraiment nous disent exactement ce qui s'était passé. Donc, dans l'intervalle, il y a beaucoup de fantasmes qui peuvent se laisser développer. Bien sûr, Thierry Sozo. Alors, il y a une auditrice qui nous fait remarquer sur Twitter, en même temps que nous faisons cette émission, qui nous fait remarquer que, tout compte fait, on pourrait rajouter un chapitre à notre propos qu'on avait développé dans un livre il y a quelque temps avec pas mal d'historiens. À quoi sert l'histoire aujourd'hui ? C'est qu'en fait, vous nous dites, l'histoire, ça peut servir à comprendre justement comment les gens se sont installés. Il faut quand même dire que Xynthia ou La mémoire retrouvée que vous avez publiée en début d'année avec Jacques Perret, professeur à Poitiers, et 7 ou 8 masters d'histoire qui ont travaillé, enquêté sur le territoire, est un livre d'histoire formidable. Il faut le dire, parce que non seulement parce que je suis de la région et que je connais ces coins, mais aussi parce que c'est un livre de méthode historique assez formidable. Vous avez procédé par des interviews, vous allez voir les gens sur place, et puis vous reprenez les traits de côte anciens pour définir à partir des cartes anciennes eh bien, où était le littoral, comment on a construit, où on a installé les maisons, les villages, etc. C'est un livre formidable. Mais alors, l'historien, ça peut servir à ça, à l'aménagement du territoire, par exemple ? Oui, alors il y a plusieurs implications dans ce type de ce type d'ouvrage. Ça peut effectivement servir à l'aménagement du territoire. On s'était lancé dans cette aventure-là avec Jacques Perret bien avant que Xynthia. On avait développé un programme avec un financement de la région Poitou-Charentes sur l'histoire des paysages. On cherchait un petit peu quels étaient les éléments patrimoniaux dans les paysages du centre-ouest. Mmh. Et on s'était dit que ça pourrait servir, effectivement, dans le cadre de plans d'occupation des sols ou plans locaux d'urbanisme, à dire quelles étaient les zones qu'on pourrait conserver au titre de et à donner du boulot, accessoirement, voilà. À vos étudiants. Et à donner du boulot à nos étudiants. Et puis, depuis la publication du livre et depuis les explications nombreuses qu'on a données de la tempête de Xynthia, il y a d'autres pistes qui s'ouvrent, par exemple, des collectivités littorales qui se rendent compte de l'ancienneté des aménagements littoraux qu'elles ont à gérer et qui parfois se demandent pourquoi une jetée a été construite, parce qu'aujourd'hui, on lui prête une certaine vertu, et elle voudrait bien savoir, ces collectivités, si à l'origine, cette jetée a été construite pour la même raison. Donc il y a énormément de choses qui sont possibles dans ce champ-là, et donc j'ai envie de dire de développement professionnel pour des étudiants en histoire qui chercheraient désormais du travail. Périne Cabron. Oui, puis on voit aussi dans ce livre, finalement, il y a des conseils concrets que vous donnez, c'est-à-dire il faut sensibiliser les enfants dans les écoles, il faut organiser des expositions pour sensibiliser la population, et puis il faut se reposer sur cette loi de 2003 qui est très intéressante et qui évoque la question de repères historiques, c'est-à-dire qu'il faut que chacun soit conscient et que soit visible des repères historiques, des repères visuels dans le paysage qui seraient comme ça des signes de cette longue histoire des catastrophes. J'ai essayé de me positionner justement sur le terrain de la médiation entre la recherche scientifique telle qu'on la conduit à l'université et puis la transmission au plus grand public. Ça a été l'occasion pour moi d'ailleurs de fonder en 2011 une association qui s'appelle l'Université populaire du littoral charentais, dont c'est l'objectif premier. Et donc à l'heure actuelle, on développe tout un ensemble de programmes qui sont certains en direction des scolaires, d'autres en direction de la formation des élus du littoral. Hier matin, j'ai passé 3 heures à former une vingtaine d'élus locaux du littoral charentais, à leur expliquer ce que c'était que le littoral, quelles en étaient les grandes lois et d'où on venait finalement, quelle était la trajectoire historique de tout ça. Donc il y a les scolaires, il y a les élus et on conduit aussi tout un ensemble de réunions publiques, un cycle de réunions publiques chaque année, les rencontres au littoral à la Corderie Royale de Rochefort au mois de novembre. Donc tout ça, ça fait partie effectivement, il y a un gros travail de médiation au-delà de la transposition dans la réglementation des données historiques telles qu'on peut les créer ou les sortir de la recherche. Périne. Mais cette loi de 2003 donc, n'avait pas été mise en œuvre finalement. Non. C'était effectivement une disposition qui nécessite aujourd'hui que les collectivités se l'approprient et mettent en place ces repères de crues. Ça commence sur le littoral qui a vécu Xintia. On est 4 ans après. On aurait pu certainement aller un peu plus vite. Oui. Frédéric Surville, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, ce que vous dites, ainsi que Thierry Sozo, c'est d'une certaine façon, ravivons les mémoires. C'est-à-dire, faisons en sorte que cet oubli ne soit pas aussi long qu'il l'a été parfois et que, même s'il n'y a pas d'épisode climatique très important, très extrême, on sache qu'il y en a eu auparavant. Vous citez dans le livre Les couleurs de la nature que vous avez dirigé au Croix-Vif en 2012, le cas de Fromentine et de l'île de Noirmoutier. Et dans ce secteur-là, il y avait eu en 1877 une tempête énorme. Et puis, avec des inondations, des submersions. Et en 1937, les gens s'en souvenaient encore parce que dans les récits de famille, on l'avait raconté alors qu'il y avait 60 ans d'écart. Donc, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire faisons en sorte de raconter qu'il y en a eu des tempêtes comme cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tôt. Oui, tout à fait. Et puis surtout, mettre en place ces systèmes d'alerte qui vont permettre d'avertir la population lorsque le sinistre est annoncé. Si on revient dans le cas de Xintia, une des conséquences directes que l'on a eues, malheureusement, enfin, a posteriori, ça a été qu'on ait eu l'alerte submersion qui s'est mise en place, alors que jusqu'à présent, Météo France mettait en place des alertes par rapport aux tempêtes. Chaque événement, ça a été le cas par exemple après les tempêtes Lothar-Martin en 99, c'est là où on a mis en place les bulletins d'alerte météo, et chaque événement en lui-même apporte de nouvelles dispositions pour faire en sorte que si une même situation se reproduisait, on puisse être à même de la prévenir. Et on peut dire que peut-être La Rochelle, d'ici quelques années, sera un lieu, enfin La Rochelle, Poitiers, enfin toute cette région, sera un lieu où on réfléchira de façon intense à ces questions, puisque j'ai cru comprendre, Thierry Sozo me le disait juste avant le début de l'émission, que notre ami Emmanuel Garnier allait bientôt rejoindre La Rochelle et qu'il y aurait peut-être là un début de pôle de réflexion avec vos météorologistes du 18e, Frédéric Surville, de longue durée sur la question du climat et des changements climatiques. Alors, tout à fait. Emmanuel Garnier va arriver comme directeur de recherche au LIENS. Donc il va travailler évidemment sur les questions littorales, mais il est historien du climat. Et c'est vrai qu'à mon modeste niveau, il y a un travail qui paraît important, c'est de développer au maximum les données météorologiques instrumentales dont on peut disposer. Alors c'est un travail qu'on a fait pour les archives de La Rochelle, enfin du département de Charente-Maritime, avec les séries dont je vous parlais tout à l'heure, celles de Lambertz, de Seignette ou de Pinet. Mais Il en existe un peu partout en France parce que, à la fin du XVIIIe siècle, s'est mise en place la Société royale de médecine. Mmh. Et donc, le père Cotte a demandé à toute une série de médecins correspondants de faire ses relevés. On voulait établir une éventuelle relation entre maladie et climat. Mmh. Et donc, on a toute une série de relevés un peu partout en France qui ont été faites et qui ont été envoyées à l'Académie des sciences. Et vraisemblablement, les doubles de ces documents sont déposés aux archives départementales de différents départements de notre pays. Donc, vous appelez à une sorte de grande enquête. Ça serait intéressant. Et c'est vrai que si on reproduisait le travail que nous, à La Rochelle, on est en train de faire, on apporterait un outil formidable pour connaître vraiment de manière très précise le climat à cette époque-là. Alors juste un petit mot. Très bref. Simplement, sur la période que je connais bien, on a toute une série d'événements extrêmes. On a une tempête qui est équivalente à celle de Martin Lothar en 99. Mmh. On a une submersion en 1788. On a un hiver terrible en 1788. On a un orage de grêle qui, en juillet 1788, qui ravage la moitié de la France. Et on a la révolution qui vient par-dessus. Et la révolution derrière. Voilà. Donc, sur une période comme de 20 ans, on se rend compte que on a toute une série d'événements et mis en perspective, c'est pas inintéressant. Merci Frédéric Surville. Donc, un petit mot juste pour dire, Thierry Sozo, qu'il faut que tous les étudiants qui nous écoutent et qui voudraient se consacrer à cette histoire du climat, des catastrophes, etc., etc., ils ont qu'à vous rejoindre à Poitiers ou à La Rochelle, ça sera là où ça se passera dans les années à venir. Oui, la fabrique de l'histoire des événements extrêmes et des changements climatiques, c'est chez nous, quoi. C'est dans le centre-ouest français, dans les universités de Poitou-Charentes. Merci beaucoup. Ecco l'iride piacera, c'est-à-dire voici l'arc-en-ciel de la paix, donc après l'orage et la tempête, un morceau de Michelangelo Falvetti en 1680, choisi par notre réalisatrice Anne Fleury. Remercions comme d'habitude Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille qui ont préparé cette émission. Alexandre Dang était à la technique et Anne Fleury donc à la réalisation. Et demain, nous terminerons cette série sur l'histoire du climat en nous demandant justement si au niveau international, eh bien, la place des historiens du climat, des historiens de l'environnement est si importante que cela et si elle permet justement cette place de conseiller, non pas les gouvernements locaux, les conseils régionaux par exemple sur l'aménagement du territoire, mais là, en l'occurrence, au niveau mondial, de discuter avec les chefs d'État.